Président Mobutu, Papa Prématia Montemba, Mobutu Mwana, Papa Prématia Montemba, Siba Moka Congo, Congo Maka, la jeunesse pèse en confiance. Président Mobutu, Papa Prématia Montemba, Mobutu Mwana. Peuple bâti au mot de main, président José Désiré, pas peuple bandimé à Manako, président Mobutu, pas peuple bâti au mot de main, Mobutu Mwana, pas peuple bâti au mot de main, président Mobutu. Ovanda mola zamina ebonga, président Mobutu, pa peuple bâti au motema, Mobutu Mwana, pa peuple bâti au motema, mon aîné asika Zaïre, epesi lokumu na moka, président Mobutu. Peuple bâti au motema, Mobutu Mwana, peuple bâti au motema, il a comme il t'a mis à noé, il va m'a dit sous quoi, mon père tombe comme il a manqué, président Mobutu, peuple bâti au motema, Mobutu Mwana. Ma peuple bâti au monde main, qui vient sanguine à mon cas, ma peuple bâti au monde main, président Mobutu, ma peuple bâti au monde main, Mobutu Mwana, ma peuple bâti au monde main. Peuple bâti au monde main, Mobutu Mwana, ma peuple bâti au monde main, Simba Moka Congo, la jeunesse pèse en confiance, président Mobutu, ma peuple bâti au monde main, Mobutu Mwana. Ma peuple bâti au monde main, président José Désiré, ma peuple bandimé au Mwana Congo, président Mobutu, ma peuple bâti au monde main, Mobutu Mwana, ma peuple bâti au monde main. Mobutu, Papeple bati o motema, Mobutu mwana, Papeple bati o motema.